8, 11, observation, de la, de l, du, des, pas de. Il a du temps. Il n'a pas de temps. Il a de l'argent. Il n'a pas d'argent. Il a de la fortune. Il n'a pas de fortune. Il a des relations. Il n'a pas de relations. Il a des amis. Il n'a pas d'amis. Dans ces phrases, temps, argent, fortune, relation, amis, sont compléments d'objet direct du verbe. Il a. Notez que, après une construction verbale négative, il n'a pas, on trouve de ou des apostrophes et non du, de la ou des devant le complément d'objet direct.